À l'occasion de la journée de Songun, le Comité national nigérien d'études du kim-sunisme kim-jonglisme a inséré dans son homepage d'Internet 4 pour l'émancipation du monde, tiré du rapport d'activité du Comité central prononcé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée.